C'est laquelle que vous jouez là? Celle de. Une de ah ben, c'est toutes les deux sont sur lui. Enfin, c'est passé à son lui, mais lui, il est joué tout.